Auteur, entre autres, de La Lune est blanche, du voyage aux îles de la désolation et de printemps à Tchernobyl. Emmanuel Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, quand on regarde un peu les destinations des trois titres que j'ai mentionnés, dans Voyage aux îles de la désolation, vous nous ameniez aux îles Kerguelen, qui est accessible seulement par bateau. Tchernobyl, évidemment, pour le printemps de Tchernobyl, avec La Lune est blanche, c'est en Antarctique. Alors, un peu dans vos sujets documentaires que vous nous proposez, est-ce qu'il y a une recherche de lieux peu accessibles, de milieux, à défaut d'un meilleur terme, un peu extrêmes? Oui, je crois que j'aime beaucoup les lieux de désolation, je crois. Bien que c'est un petit peu les hasards des rencontres qui font que je vais partir dans ces endroits-là, mais je pense qu'effectivement, il y a une certaine excitation à affronter ces terres mal connues. Et puis surtout, bah voilà, de vivre des expériences aux côtés de scientifiques et tout simplement de gens qui ne se vivent pas comme des aventuriers, mais qui vivent quand même des aventures extraordinaires. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment du lieu puis de l'aspect exotique particulier, extrême du lieu, pour reprendre le terme, ce qui domine, j'ai l'impression, dans les récits que vous proposez, c'est d'abord et avant tout l'aspect humain. Cette rencontre, justement, et la façon dont les gens vivent les lieux qu'ils explorent, au bout du compte. Oui, je pense qu'on fait des histoires avec des hommes et des femmes. Je serais bien incapable de parler d'autre chose que de l'humain. Je crois que c'est ça, en fait, qui, au fond, m'intéresse. Même lorsque je vais suivre une mission scientifique, je vais fréquenter des scientifiques de très, très haut niveau qui vont tenter, parfois, de m'expliquer, ce qu'ils font. Alors, je ne suis pas sûr toujours de très bien comprendre ce qu'ils font, parce que moi, je ne viens absolument pas d'un milieu scientifique. Mais je crois que je suis surtout animé par leur passion. C'est cette passion qu'ils ont de faire découvrir le monde qui m'intéresse. Mmh. Ce sont des gens qui vont vivre des choses vraiment extrêmes, mais non pas pour eux, non pas comme un défi personnel, mais avant tout pour faire avancer le savoir, la connaissance, pour le bien de l'humanité. Et en même temps, à travers vos yeux, j'ai l'impression qu'on les voit plus justement comme des explorateurs de l'Arctique, comme des aventuriers, comme des héros polaires, que comme justement des scientifiques. Donc c'est d'abord l'aventure, ensuite la science. Mais ils ne se vivent pas, eux, comme des aventuriers. Voilà. Je crois que quand on leur dit des aventuriers polaires... Ils sourciraient. Oui, ils n'aiment pas ça. Non, ils sont là pour leur travail. Je crois qu'on est là pour faire avancer le savoir. Et à l'intérieur de ça, dans cet album, d'ailleurs, si on s'intéresse un peu à la Lune est blanche, il y a une espèce de dynamique de jeu du double, un métissage entre la photo de votre frère François et votre dessin, entre les aspects humains et géographiques, entre l'intimisme et l'universel aussi. Oui, c'est aussi une aventure fraternelle. Mon frère et moi donc sommes dans deux domaines d'expression différents. Moi, la bande dessinée, lui, la photographie. Et j'avais eu envie depuis très longtemps de partager une aventure littéraire avec lui, voir comment on pouvait tout simplement raconter aussi notre relation à travers cette aventure, parce que pour nous, ça en a été une. Et voilà, de construire un livre où les photos s'intègrent aussi dans le récit. C'est pas la Lune est blanche, n'est pas un livre de photographie, c'est une bande dessinée, mais j'ai envie qu'on crée une sorte de danse, voilà, entre mes dessins, sa photo, et qu'on en soit emporté là-dedans. Et ces photos sont mises en scène, j'ai construit le récit d'ailleurs autour de ces photos, de manière à ce que ce soit le plus fluide et le plus cohérent possible. Et puis de faire partager, de faire dialoguer, dans le fond, deux pratiques, deux interprétations visuelles d'une réalité. Oui, c'est ça. Au même titre que je demande aux scientifiques de me parler de leur travail, je vais demander à mon frère de me parler du sien. Et je le mets en scène, racontant ce qu'est la photo pour lui, ce qu'il essaie de capter, ce qu'il essaie de comprendre. Nous n'avons pas du tout les approches identiques. Moi, je crois, dans le récit, mon souci, c'est de pouvoir raconter une histoire. Je suis un raconteur d'histoire, au fond. Lui va essayer de faire passer une émotion, une sensation à travers ses photos. Je dirais c'est quelque chose qui pour lui est de l'ordre beaucoup de l'instinctif. Lorsqu'il prend une photo, il se met en condition pour essayer de saisir un instant, d'appuyer au moment juste. Moi, je suis dans un récit. Même si je cherche aussi cette justesse là, je ne perds pas de vue que je raconte une histoire. Et à travers ça, il y a toujours aussi justement l'importance de se mettre en scène, de partager, si on peut dire, sa perception de ce que vous vivez ou celle de votre frère à travers justement ces lettres. J'ai l'impression un peu dans l'idée, dans le fond, de bien cadrer votre biais, de bien cadrer votre positionnement par rapport justement à ce que vous nous racontez pour éviter, pour être clair dans la subjectivité peut-être. Oui, de toute façon, une histoire est éminemment subjective. Je pense que si je me mets en scène, c'est aussi pour moi dire d'où je parle. Voilà, j'ai pas du tout envie d'avoir une position de narrateur dominante qui va vous expliquer voici les choses. Non, je suis dans le récit. Je dis d'où je parle parce que pour moi c'est important de laisser au lecteur le choix de se positionner par rapport à moi. Voilà, j'assume cette subjectivité profonde du regard, mais je veux surtout en laissant paraître cette subjectivité, laisser aussi au lecteur le choix de se positionner. Voilà, j'arrive là-bas, je ne sais pas. Voilà, voilà quel est mon parcours, d'où je viens. Et je donne des éléments biographiques parce qu'ils sont nécessaires à mon avis dans l'histoire. C'est pas pour se révéler. Je suis pas un livre autobiographique. Je raconte d'abord l'histoire là de l'Antarctique, là de Tchernobyl ou Terres australes. Mais c'est avant tout pour permettre au lecteur de trouver aussi sa place dans cette histoire. Et à travers ça aussi, j'imagine, de faire confiance un peu à son intelligence pour cadrer le tout, pour capter l'ensemble. Mmh. Je pense qu'une expression que vous aviez utilisée dans une entrevue, c'est un peu comme si, à travers votre narration, vous parliez un peu comme un ami avec un sens critique, avec une intelligence, justement. Oui, alors cette phrase n'est pas de moi, mais je l'ai fait mienne. j'ai rencontré à bord du bateau un scientifique de très haut niveau, un type merveilleux qui s'appelle Guillaume Lecointre, qui est un type qui travaille sur l'évolution. C'est un grand professeur au Muséum d'Histoire de Paris et qui est aussi été un chroniqueur scientifique dans Charlie Hebdo. Et il me disait je m'adresse au lecteur comme si je m'adressais à un ami intelligent. Et j'ai trouvé cette phrase tellement juste que je l'ai écrite dans le livre. Et je crois qu'en fait ça résonne aussi en moi, parce que quand je raconte une histoire, je prends le lecteur par la main. Voilà, il est là au-dessus de mon épaule et je le lâche pas. C'est pour moi c'est cette relation, vraiment, oui, de considérer le lecteur comme un ami intelligent est pour moi essentiel. Voilà. Et est-ce que le lecteur, ou du moins l'éventuel lecteur, dans justement ces aventures, ces moments que vous vivez, que ce soit aux îles Kerguelen, soit en Antarctique, soit à Tchernobyl, est-ce qu'il est présent dans le fond? Est-ce que vous pensez un peu à la façon de raconter, à la façon dont les choses pourraient être perçues à travers la manière dont vous la racontez? Donc, est-ce qu'on pense beaucoup à la narration quand on vit, ou on essaie de vivre au maximum, de noter, de garder des pistes pour ensuite trouver une façon justement de raconter des anecdotes? Alors, moi je suis venu à ce qu'on appelle le BD reportage assez tardivement. Pendant des années, j'ai fait de la bande dessinée de fiction. Donc le récit est extrêmement important pour moi. Je pense que ces années de pratique de récit imaginaire me servent ensuite pour le BD reportage. Je n'oublie jamais que je raconte une histoire. Et je raconte une histoire, ça veut dire donner, de tenir en haleine un lecteur, donner envie de tourner les pages. Et dans La Lune est blanche, ça a été un exercice assez difficile, puisque nous avons passé quand même le plus clair de notre temps à attendre, soit dans la glace, soit sur la banquise, soit à conduire en essayant de rester réveillé, ou à conduire des tracteurs pendant des journées qui semblaient identiques. Alors bien sûr, nous étions dans des univers fantastiques, mais les journées s'écoulaient pendant 12 heures de route au volant d'un tracteur de 550 chevaux. Alors voilà, au retour, c'est comment on raconte ça sans ennuyer le lecteur? Et donc on fait appel, enfin je fais appel à ce que m'a appris la fiction. Pour moi, c'est pas parce qu'on fait de la BD reportage, du documentaire, que ça doit être pénible. Au contraire, j'ai envie d'accrocher le lecteur. Pour moi, c'est très important de... Je ne trouve pas d'autre mot que de raconter une histoire. Voilà, je trouve que c'est la beauté de ce genre d'exercice, c'est de raconter une histoire. Et puis à travers le dessin aussi, on peut réussir à faire ressentir aussi, à créer une certaine immersion. Par exemple, avec l'Antarctique, l'idée aussi, c'est glacial. Donc à travers le dessin, il faut trouver une manière de faire ressentir ou de faire comprendre l'idée de froid, l'idée d'immensité, etc. Oui, c'est les contraintes et les obstacles étaient nombreux dans cette histoire. Outre le fait qu'effectivement, parfois, les journées, on s'ennuie un petit peu. Au niveau graphique, narratif, l'Antarctique, c'est plat, c'est blanc, il y a le ciel et la glace. Voilà. Comment on fait? Je me souviens des amis qui se moquaient de moi au départ. Ils me disaient, ça va pas être trop difficile à dessiner, tu auras juste à dessiner la ligne d'horizon, le au-dessus, le blanc au-dessous. C'est un peu plus complexe, mais c'est néanmoins graphiquement un exercice fascinant d'essayer de donner ce sentiment de froid, d'immensité, de paysages à nul autre pareil. Vous savez, c'est étonnant. Enfin, ici, peut-être au Québec, vous êtes plus habitué au grand blanc que encore, moi. C'est pas le même grand blanc. C'est peut-être pas le même grand blanc. Ouais. Mais là, il y a rien. Imaginez qu'à un moment donné, nous nous retrouvons à mi-chemin entre la base de Dumont-d'Urville et la base de Concordia. Nous sommes à 750 km. Des bases de l'une et de l'autre, donc c'est-à-dire à 750 km à la ronde, nous sommes les seuls êtres vivants. Il n'y a pas un moucheron, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas un oiseau. Et c'est vertigineux, c'est de l'ordre de l'impensable. Et comment essayer de transmettre cet impensable en bande dessinée? Parce que pour le coup, il faut que j'essaye de le penser néanmoins pour pouvoir le partager avec ceux qui vont lire ce livre. Voilà, c'est ces exercices-là, ces obstacles, moi, qui me fascinent. Je ne sais pas comment je vais faire. Quand je rentre, je ne sais pas comment je vais raconter cette histoire. Je ne sais pas comment je vais raconter cette attente, comment je vais raconter cette abstraction qu'est l'Antarctique. Mais voilà, je me lance un peu dans cet inconnu qui me plaît. En fait, c'est le récit est aussi une improvisation. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et de ce que j'en ai compris, vous fonctionniez peu avec des photos, justement, pour après ça essayer de recréer par la suite à partir de ce matériel-là. Vous dessinez sur place directement, donc... Pourquoi avoir fait ce choix-là aussi, justement, de crayonner, de passer beaucoup par le croquis, par le dessin Alors, le croquis en voyage est quelque chose pour moi de très important et même fondateur. J'ai toujours voyagé en dessinant, d'une part parce que je trouve que c'est très agréable, c'est un moyen de rencontrer les gens formidables, parce que le dessin a été pratiqué par tout le monde, et quel que soit le pays, la classe sociale, l'âge. On a tous dessiné un jour, donc il y a quelque chose de bienveillant quand on voit quelqu'un dessiner. Donc j'ai découvert un moyen d'être au monde par le croquis, d'être de voyager de façon assez merveilleuse. Et aussi ça m'apprend énormément pour ma pratique en bande dessinée, parce que un auteur de bande dessinée ça travaille en atelier dans un cocon assez agréable. On se crée ces conditions pour être le plus détendu, pour être disponible à sa création. Moi, c'est une chose que j'adore, c'est de voir des ateliers d'auteurs de bande dessinée. Là, j'en ai découvert un peu à Québec hier, et parce que ça dit de ce qu'est cette personne. Et puis soudain, quand on fait du croquis de voyage, on est propulsé dans un univers très différent, parfois même hostile, auquel on n'est absolument pas habitué. Et les gens vont venir regarder, vont faire des commentaires, s'il y en a. Sinon, il peut se mettre à pleuvoir, mettre à neiger. Les crayons peuvent geler. Les crayons peuvent geler. Mais ce qui m'intéresse là, c'est pas tant que le dessin soit réussi, c'est ce qui va se passer au moment où on est en train de le faire. Et aussi, ma capacité d'improviser le dessin en fonction de ces conditions-là, c'est-à-dire d'être une éponge à tout ce qui va se passer au moment où on est en train de le faire, et puis d'essayer de trouver des solutions. Donc ça crée, je crois, une disponibilité, une capacité à improviser qui, moi, m'intéresse beaucoup. Une écoute plus grande, dans le fond, qu'on n'aurait pas si justement on prenait pas l'axe méditatif, si on peut dire, de dessiner, d'essayer de trouver une manière de présenter. Avec la photo, on clique puis on passe à d'autres choses. Oui, non, c'est ça. On est obligé de rester. Il faut être attentif, d'être extrêmement présent. Voilà, il faut être, en fait, c'est travailler sur l'instant présent, voilà, être disponible à l'instant présent. Et alors, le croquis, c'était quelque chose que je pratiquais d'un côté, et puis je faisais le bande dessinée de l'autre. C'est vrai que dans ces livres de bande dessinée reportable, j'essaie d'intégrer les croquis dans le récit. Et voilà, on passe donc bien entendu de la photo à la bande dessinée, mais aussi du croquis à la bande dessinée. Et évidemment, en Antarctique, faire du croquis, c'est un exercice assez difficile, parce que les températures sont telles qu'à un moment donné, le matériel ne suit plus, ce que vous disiez, tous les crayons lâchent, même les crayons simples lâchent. Mais bon, voilà, je le montre aussi. Je dis, ben voilà, je peux pas faire autre chose que ça lorsqu'il fait moins 35 et je suis assis dans la neige. Et vous l'avez dit, Emmanuel Lepage, vous n'êtes pas auteur que de BD documentaire, vous faites aussi de la BD de fiction. Est-ce que vous appréciez justement la notion de faire des allers-retours, ou est-ce que parfois, en plongeant dans le documentaire, en racontant, par exemple, je pense en 2012, Tchernobyl, vous l'aviez vécu en 2008, vous avez édité Un printemps de Tchernobyl, créé en 2012, un peu après Fukushima, l'incident nucléaire au Japon. Est-ce que ça devient après ça, après avoir raconté un truc comme ça, dans un contexte comme celui-là, de retourner à la fiction, est-ce que c'est plus difficile? Non, ça m'apprend pour la fiction. Je crois que j'ai vraiment, en ce moment, je travaille sur une fiction. Je crois que j'avais vraiment le désir de revenir à la fiction. Mais évidemment, cette fiction est imprégnée de ces expériences de bande dessinée reportage. Et je pense que j'aborde plus du tout la fiction de la même manière. Ça m'intéresse pas de refaire toujours les mêmes choses. J'essaie à chaque livre de partir dans des directions différentes. Mettre dans une forme de mise en danger, enfin très relative, hein, j'ai pas le pistolet sous la tempe, moi. Mais c'est cette comment dire, cette façon d'aborder des récits de façon différente à chaque fois m'excite. Voilà, je crains surtout l'ennui dans la création. Donc les deux peuvent s'alimenter mutuellement. Au bout du compte, comme vous disiez, la manière d'aborder la BD reportage est liée à votre expérience de fiction. Et là, ben, il y a le retour du balancier. Oui, c'est ça. Il y a ce retour. Ce qui est agréable dans le BD reportage, c'est qu'en fait, on est nourri beaucoup des rencontres. Ce que je crains plus dans la fiction, c'est d'être un peu plus seul que lorsque je suis dans le BD reportage, parce que le BD reportage, même dans la création du livre, il y a beaucoup d'échanges avec les gens que j'ai rencontrés. Qui m'accompagne aussi pendant la création. Ça, c'est vraiment formidable, surtout quand on fait un métier aussi solitaire. Et en terminant, Emmanuel Lepage, présentement, justement, vous êtes dans des projets de fiction autour de vos enfants ou à l'attention de vos enfants un peu, d'une certaine façon? Je vois que vous avez des informations. Oui, alors effectivement, juste pour la petite anecdote, le livre que je fais aujourd'hui s'appelle Les voyages d'Ulysse. Mon fils s'appelle Ulysse. Et c'est en réponse à un livre que j'avais fait il y a quelques années qui s'appelle Les voyages d'Anna. Donc ma fille s'appelle Anna. Et voilà, faire les voyages d'Ulysse, c'est évidemment parler du personnage mythologique. Donc c'est aussi un travail autour de l'Odyssée. Alors ce sera à découvrir en cours d'année prochaine, j'imagine. Cette année, l'année prochaine, je ne sais pas encore. Bientôt. Voilà, bientôt. Emmanuel Lepage, merci beaucoup. Merci à vous.